les pêches. Un ouvrier de la campagne rapporta un jour à sa femme et à ses quatre enfants 5 belles pêches. Les enfants voyaient ce fruit pour la première fois et en admiraient la fraîche couleur et le fin duvet. Le soir, le père leur dit « Avez-vous mangé le beau fruit que je vous ai donné ce matin ?»« Oui, » s'écria l'aîné, « c'est excellent. Aussi j'en ai soigneusement gardé le noyau. Je le planterai et j'espère qu'il en sortira un arbre. »« Bien, » dit le père, « c'est une bonne chose que d'être économe et de penser à l'avenir. »« Moi, » dit le plus petit, « j'ai tout de suite mangé ma pêche, et ma mère m'a encore donné la moitié de l'autre. C'était doux comme du miel. »« Ah !» répondit le père, « tu as été un peu gourmand, mais à ton âge, c'est pardonnable. Les années te corrigeront, j'espère, de ce défaut. »« Moi, » dit un troisième, « j'ai ramassé le noyau que mon petit frère avait jeté par terre. Je l'ai brisé. » Et j'y ai trouvé un autre noyau qui avait le goût d'une noix. Mais j'ai vendu ma pêche. Et avec l'argent que j'en ai reçu, je puis en acheter plusieurs autres quand j'irai à la ville. » Le père secoua la tête. « Cela peut paraître une ingénieuse idée, mais j'aimerais mieux moins de calculs. Et toi, Edmond, as-tu goûté ta pêche ?»« Mon père, » répondit Edmond, « je l'ai porté au fils de notre voisin, au pauvre Georges qui est malade de la fièvre. Il ne voulait pas la prendre, mais je l'ai posé sur son lit et me suis éloigné. » « Eh bien, mes enfants, » demanda le père, « qui de vous a fait le meilleur usage de ces beaux fruits que je vous ai donnés ?» Et 3 des garçons s'écrièrent, « c'est notre frère Edmond. » Edmond, cependant, ne disait rien, et sa mère l'embrassa avec des larmes dans les yeux.